Merci à vous d'être venu nous rendre visite après une interruption d'un mois, puisque le mois dernier, notre ami Thierry Marichaud n'a pas pu venir à cause d'une grève des trains. Là, les trains ont marché, visiblement. Ce n'est pas les vacances, donc ils n'avaient pas envie d'emmerder le monde. Et ils savaient que c'était très important que tu arrives à Marseille. Donc, Guillaume de Gracia, ici présent, bon, si mes stats sont bonnes, c'est la troisième fois que tu viens. Oui, ça va. Et les deux fois précédentes, c'était pour présenter des livres qui parlaient de l'Argentine, parce que vous allez vous en apercevoir bien vite, c'est son sujet de prédilection. Il en a sûrement plein d'autres. Mais en tout cas, l'Argentine, tu as dû y passer un certain moment, tu as fait ta thèse. D'anthropologie sur l'Argentine. Et les bouquins, il y en a un qui est paru aux éditions CNT et un chez Sileps, qui parle en gros de. Il faut savoir, bon, ça il va vous le redire, mais qu'en Argentine, il y a eu un mouvement anarchiste très puissant, enfin, surtout anarcho-syndicaliste, mais pas seulement. Et donc ça a laissé des traces, même si ça a disparu, je sais pas, dans les années 30, on va dire. Ou si ça... Enfin, ça n'a jamais disparu, en réalité, mais. Ça a baissé. Et puis en Argentine, il y a ce phénomène Perón, donc Perón, d'où le titre de la causerie Populisme et Anarchisme. Donc Guillaume va nous montrer quels sont les rapports ou comment des gens, enfin je ne sais pas, je ne vais pas dévoiler ce que tu vas dire, mais comment les gens ont pu passer de l'anarchisme au péronisme. Voilà. Donc pour illustrer ces propos, il y a deux livres. Donc, un qui est paru en 2022 chez Latinoir, vous avez l'éditeur là, il faut vous parler de sa maison d'édition, spécialisée surtout dans l'Amérique du Sud, mais pas seulement. Il y a aussi de la philo et puis d'autres choses. Et donc, ce bouquin est écrit par un certain Louis Mercier-Vega, donc je pense que tu vas nous en parler. Donc, Louis Mercier-Vega, bon, il est mort il y a un moment, mais donc une réédition. La préface est de Charles Jacquet qui n'est pas venu et la postface est de toi. C'est ça. Voilà. Et puis, il y a aussi encore un petit livre parce que Guillaume, il a plein d'activités et entre autres, il ne doit pas être tout seul, mais il a fondé une maison d'édition qui s'appelle les éditions Sans Nom. Ça, c'est facile à retenir. Vous allez chez votre libraire, c'est quoi l'éditeur Sans Nom? Vous reviendrez, ça doit... On imagine. Ça a dû nous arriver, effectivement. Ça a dû arriver, donc bah encore. Bah, ça doit être plus proche de ce que tu vas nous raconter aujourd'hui, je pense. Pas forcément. Pas forcément. Bon, surprise. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, que tu es à l'origine, tu es anthropologue, mais tu enseignes l'histoire et géo. Et que tu participes à des revues comme Chronique Noir et Rouge. C'est ça. Dernier numéro. C'est une très belle revue, je vous engage à vous la procurer. On a quelques exemplaires. C'est de la vraie critique. Oui. C'est pas des trucs de complaisance. Bon, après, je pense que si vous n'aimez pas le truc, vous n'en parlez pas. Oui, c'est ça. Mais la critique, c'est fouillé, c'est pas juste. Oui, on peut avoir jusqu'à 15 000 signes pour faire la critique d'un livre. C'est quand même assez rare et précieux. Ouais, très belle revue. Oui. Et donc, bon, ça, j'ai repéré ça. Après, il y avait un blog auquel tu participais. Je ne sais pas s'il existe toujours, Grand Angle. Grand Angle Libertaire existe toujours. Ouais. Je me suis un peu éloigné de l'équipe éditoriale, mais oui, ça existe toujours. Ouais, grand-angle-libertaire.net, peut-être. D'accord. Je sais plus. Et en 2018, tu as fait partie de l'équipe qui a monté un salon, qui, alors là aussi, c'est le nom assez drôle, Improbable Salon du Livre. Ah, tu sais ça. Ben, c'est sur Google, tu trouves tout. Je sais qu'il ne faut pas utiliser Google, c'est pas vrai. Bien, mais je reconnais, j'ai fait ça. Ce qui s'appelle Googliser quelqu'un, et on trouve des infos. Et après, tu as écrit un article, où, je ne sais pas si toi tu te définis comme ça, mais comme anthropologue gonzo. Oui, c'est ça. Alors gonzo, pour moi, c'était, je ne sais pas quoi... Interest Thompson. Voilà. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. Donc tu pourrais nous parler de l'anthropologie gonzo, qu'est-ce que c'est, si tu veux, entre autres. Oui. Donc il a plein de trucs à nous dire. Et alors moi, je vais fermer ma gueule, et à toi de parler. Non, pas à moi tout de suite, Jacques... Voilà, donc Jacques Aubergile, l'éditeur qui s'appelle Latinoir, et tu peux dire un mot sur la question. Oui, mais bonsoir, bientôt, pour l'après-midi. Je suis très content de me retrouver dans ces lieux depuis fort longtemps, puisque j'étais très ami avec René Bianco, donc ça fait vraiment longtemps que Alors j'édite la littérature latino-américaine pour l'essentiel. Hein. J'ai effectivement quelques titres qui sont notamment une collection de quelqu'un que vous connaissez, Amit Sevens, qui a une université populaire qui fait que de la philosophie. Et puis un autre que vous devez connaître peut-être aussi, Henri-Frédéric Blanc, qui a une collection un peu pamphlétaire qui s'appelle Merde. Voilà. Mais ce sont des collections sur lesquelles je laisse libre cours aux responsables. Ils portent les livres à l'imprimerie, je les envoie au district ou diffuseur, et ils font ce qu'ils veulent. Et donc moi, je suis vraiment axé à 95% sur l'Amérique latine. Dans ces 95%, il doit y avoir 90%, 80%, 85% de fiction et puis aussi de non-fiction. Donc c'est comme ça qu'est né ce livre-là, que j'ai découvert grâce à Charles Jacquier, surtout l'auteur, qui avait déjà publié un livre de cet auteur chez Agon. Et évidemment, Perron, ça m'intéressait. Alors, Perron, je ne sais pas si on a vraiment conscience de ce que ça peut être, Perron et son mouvement, le péronisme. Je ne crois pas qu'on puisse avoir conscience, l'expression est très mal choisie, parce que je crois que même les Argentins n'ont pas vraiment conscience de ce que ça peut être. Ils ont conscience que c'est quelque chose qui leur appartient, qui est à eux, enfin, Guillaume va en parler mieux que moi. Mais je voudrais vous lire quelques lignes d'un auteur argentin qui s'appelle Mengo Giardinelli, qui a fait un énorme livre qui est un peu la biographie de sa famille, qui s'appelle Saint Office de la mémoire. Saint Office, évidemment, allusion à l'inquisition de la mémoire. La mémoire, c'est quelque chose de très important en Argentine, vous devez le savoir, avec les douloureuses, terribles dictatures, qui, surtout la dernière, et malheureusement, ne s'en prépare peut-être une nouvelle, qui les a presque détruits. C'est un roman, je ne vais pas vous en parler du tout parce que ça serait trop long, mais il y a une scène qui me paraît mettre tout à fait en ligne, si je peux dire, la question. Alors, le personnage se trouve à New York, c'est en novembre 1978, et il est avec un ami américain. Ralph, l'ami américain, m'a demandé la dixième bière si le péronisme était vraiment de la merde, ou n'en était pas. Je ne sais pas pourquoi le monde entier s'intéresse tant au péronisme. On voit ça comme un phénomène incompréhensible, une illusion d'optique, un tour de magie, presque un synonyme de l'Argentine moderne. Si tant est que l'Argentine soit moderne, bien sûr. Expliquer ce que sont les Argentins, c'est comme essayer d'établir une axiologie de l'inconscient. Le péronisme en est son aspect le plus indéchiffrable. Mais moi, je me suis quand même lancé là-dedans comme un con. J'ai dit à Ralph que pour comprendre ce que c'était, il fallait commencer en 1944, quand le péronisme n'était rien d'autre qu'un type ambitieux et volontaire, avec un groupe de milicos, on dirait Proufion en français, nationalistes, peut-être nourris de bonnes intentions, terriblement inquiet à cause de la corruption généralisée et de la perte de la souveraineté. On devait aussi se représenter un pays dans une certaine situation de désintégration, quelque chose comme plusieurs petits pays à caractère féodal à l'intérieur d'un même territoire avec une injustice sociale considérable mais invisible. Je suis né en 1944, a dit Ralph. Ça faisait 2 ans que mon père était parti faire la guerre dans le Pacifique. Aussi, je ne vois pas très bien comment ma mère a pu s'y prendre. Comme tous les petits bourrés, j'ai suivi mon idée et j'ai continué mon histoire sans écouter la sienne. Ces types, les péronistes, ont un sentiment clairement anti-impérialiste. Mais comme tous sont des primitifs, les militaires sont les néandertaliens de la politique, c'est un anti-impérialisme plutôt proche du chauvinisme et de la xénophobie. Ils ont un rêve de grandeur monumentale presque sans limite. Ils sont pénétrés de l'idée bugonienne de l'auteur Leopoldo Lugones, qui veut que l'Argentine soit un pays avec un, entre guillemets et des majuscules, destin manifeste de puissance mondiale. Par déformation professionnelle, ces militaires, ils ont des antécédents bellicistes, mais ils revendiquent une société dirigée depuis l'État, organisée et contrôlée. Ralph a dit, d'accord, je comprends, c'est des saletés de communistes, fils de pute. je vais expliquer. Non, ils sont nationalistes. Ils essaient de se différencier des blocs de pouvoir dominants. Voilà leur motif. Ni anti, ni marxiste, péroniste. Patrie, oui. Colonie, non. Ils sont très éloignés de tout rêve communistoïde, mais ils éprouvent un profond ressentiment contre toute forme de libéralisme politique et économique. C'est ce qui fait leur proximité avec le fascisme. Ralph a aussitôt réagi. Ah, d'accord, c'est des bâtards nazis, fils de pute. J'ai dû l'arrêter encore une fois. Non. Alors Ralph a dit, j'y comprends que dalle. Avec le même regard que j'aurais eu pour un Indonésien m'expliquant le phénomène de Sukarno, moi, ce que je veux savoir exactement, il m'a dit, c'est que tu me dises si le péronisme, c'est de la merde ou pas. Alors je lui ai dit, non, Ralph, le péronisme, ce n'est pas de la merde. Merci à Jacques pour cet extrait. Merci aux compagnons du CIRA de m'accueillir à nouveau. C'est toujours un plaisir de revenir ici. Alors bon, Philippe m'a googlisé, donc il vous a donné deux trois pistes. J'aime bien quand même repréciser un tout petit peu d'où je parle, de manière à ce que voilà, ça soit à peu près clair. C'est-à-dire que moi, bon, effectivement, j'ai fait un travail de thèse qui s'est terminé en 2009 sur la question argentine et très exactement sur la question des pratiques horizontales en fait en Argentine. Et ce qu'on appelait pratiques horizontales en Argentine, en tout cas au début des années 2000, c'était donc tout ce qui est autogestion, récupération d'usines, assembléisme, démocratie directe, nodos de trueque, c'est-à-dire les nœuds de troc ou les lieux dans lesquels on effectuait du troc, et qui avait fortement émergé suite à la Trentinazo du 19 et 20 décembre 2001. Donc la Trentinazo, littéralement, aso en espagnol, c'est le coup physique. Hein. Donc la Trentinazo, c'est le soulèvement des Argentins, on pourrait dire, qui a donc, s'est débarrassé de 4 ou 5 présidents d'affilée en une semaine, jusqu'à une espèce de stabilisation avec un caudillo qui s'appelait Dualde. Bon, je reviendrai éventuellement dessus si vous avez des questions. Mais en fait, ce qui est intéressant dans la Trentinazo, c'est l'émergence en fait d'un certain nombre d'expériences que je viens de citer, hein, assembléisme, récupération d'usines, troc, etc. Et moi, depuis la France, je voyais les médias français en parler comme des espèces de générations spontanées. Ça me paraissait un peu louche et un peu court comme explication. Et il se trouve que, bon, voilà, en prenant des études d'anthropologie, on m'a proposé de faire un travail sur l'Amérique latine et l'anarcho-syndicalisme en Amérique latine, pour être tout à fait exact, ce qui était évidemment un champ beaucoup trop large pour une seule personne. Et en quadriangulant, enfin, en recoupant un peu les informations, je suis retombé assez vite sur la question de l'Argentine et sur son histoire assez longue et abondante et extrêmement intéressante en termes de pratiques libertaires et anarchistes de manière générale. Et donc je me suis en fait petit à petit repositionné sur ce terrain-là. Ce qui s'est accompagné aussi de réflexions épistémologiques, dans le sens où je parle à peu près espagnol et en fait mon visage dans les rues de Buenos Aires peut paraître tout à fait comme celui d'un portaigne, c'est-à-dire d'un habitant de la ville, et je voulais absolument pas avoir cette espèce de distance de l'anthropologue qui va arriver dans un, je sais pas, n'importe où, mais qui paraîtrait absolument pas comme quelqu'un du cru. Moi, je tenais à cette forme d'anonymat du fait que l'Argentine est un pays qui est évidemment un pays d'immigration espagnole et italienne, et que mon visage peut renvoyer tout à fait à ce métissage-là. Donc j'ai fait ce travail-là, et évidemment quand on parle de l'Argentine, on est bien amené à un moment à s'intéresser à la question du péronisme, surtout quand on a prétention à balayer tout le XXe siècle comme je l'ai fait, puisque je suis parti de 1857 jusqu'à 2001. Et dans un deuxième temps, ça a été une thèse, ça a été un premier livre qui a été publié par les camarades et compagnon des éditions de la CNTRP en 2009. Et dans un deuxième temps, je me suis inspiré, donc, comme on disait tout à l'heure, de Agon. Et si vous vous souvenez, Agon avait publié dans un premier temps le livre d'Howard Zinn, une histoire populaire des États-Unis, dans son In Extenso. Et dans un deuxième temps, avait extrait en fait une partie de ce livre-là pour ne publier que la partie concernant le 19e et 20e siècle, ou que le 20e siècle, d'ailleurs, je ne me souviens plus. Mais enfin bon, ça m'a donné l'idée d'extraire de mon travail de thèse uniquement la partie sur le péronisme, de le retravailler largement et d'essayer d'en produire quelque chose qui soit publiable, ce qu'ont fait les éditions Sileps, donc en 2016. Voilà, et donc bon, voilà, c'est un peu un travail quand même c'est une queue de comète hein, pour moi, ce travail sur l'Argentine. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pu m'y rendre. Et en fait, bon, alors, à travers Charles Jacquier, Jacques m'a proposé de travailler sur donc, ce livre, l'autopsie de Perón, de Louis Mercier-Riga. Donc Charles a proposé une préface présentant l'auteur. Donc moi je me suis chargé à la fois de la bibliographie, de la chronologie et j'ai produit une postface reprenant un peu en gros là où s'arrête Louis Mercier-Vega, c'est-à-dire en fin juin 1974, quelques jours avant que Perón ne décède le 1er juillet 1974. Est-ce que, malheureusement, Louis Mercier-Vega n'est pas forcément un auteur extrêmement connu, donc est-ce que vous avez besoin que je précise quelques... Bon. Louis Mercier-Vega, c'est un auteur qui est extrêmement intéressant, qui est un théoricien aussi, qui a produit quand même des concepts qui m'ont semblé tout à fait pertinents et qui, malheureusement, est peu connu. Donc, son vrai nom, c'est Charles Cordevrin, qui... Il est belge, il est né en 1914. C'est quelqu'un qui a participé tout au long de sa vie au mouvement anarchiste, qui, à l'âge de 22 ans, en 1936, va participer à monter la colonne internationaliste à l'intérieur de la colonne de Durruti, sur le front aragonais. En 1937, il revient en France pour aider un peu il revient en France pour essayer d'aider l'Espagne, mais depuis la France en faisant des tournées et en essayant d'organiser le ravitaillement. En 1940, un peu avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il va prendre le parti de quitter l'Europe, dont il se sentait dans une espèce de comme entre le marteau et l'enclume, hein, puisque la révolution espagnole et libertaire ayant été liquidée à ce moment-là, la possibilité de résister lui paraissait assez vaine. Donc il part de l'autre côté de l'Atlantique, brièvement passe par l'Argentine, s'installe un peu au Chili, et puis en 1942, en fait, il n'arrive pas à se décider le fait de rester comme spectateur éloigné de la guerre ne lui convient pas, donc il revient en fait, il rentre dans les forces françaises libres. Il va rester un certain temps au Liban, d'ailleurs, ce qui va faire qu'il va être aussi un commentateur du monde arabe, en plus du monde latino-américain. Il reste un certain temps au Liban en tant que dans les services radiophoniques, je crois, français au Liban. Et voilà, donc il va poursuivre, il va terminer la guerre, il va être démobilisé à la fin après la libération de la France. Et donc toute sa vie, jusqu'en 77, va être par la suite un aller-retour entre l'Amérique latine et l'Europe. Et il va être un commentateur et un observateur assez avisé de ce qui se passe, tant d'un point de vue politique que syndical, économique, en Argentine particulièrement, mais aussi au Chili, par exemple. Voilà pour donner quelques pistes. Il a écrit quelques livres que vous trouverez sans doute au CIRA en consultation. Quelques-uns ont été réédités, effectivement, comme le livre auquel faisait allusion Jacques, à savoir la chevauchée anonyme qui a été publiée aux éditions Agone, qui est un livre posthume et qui raconte un peu justement ces années 40-42, en fait, la période pendant laquelle il se décide à quitter l'Europe pour s'installer en Amérique latine. Et par ailleurs, il va voilà, la révolution par l'État, par exemple, c'est un livre, je vois, qui est cité dans la quatrième de couverture de Autopsie de Pellone. C'est un des livres qui va être extrêmement, qui va être intéressant sur cette idée que concrètement, alors typiquement, c'est un des concepts qu'il a forgé et qui, moi, me paraît extrêmement pertinent, c'est celui de classe d'État. Et dans la révolution par l'État, il va développer en fait toute cette notion de alors, parce que aujourd'hui, j'en parle pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un terme qui est le deep state, c'est-à-dire l'État profond, qui initialement vient des milieux plutôt conspirationnistes et qui en fait a traversé la frontière et est utilisé régulièrement par des sociologues, par divers scientifiques. Alors que, par exemple, le concept de classe d'État qu'a forgé Louis Mercier-Véga me paraît nettement plus pertinent et plus explicite que celui de État profond. Et en plus, il n'émane pas de milieux douteux, puisque Mercier-Véga, pour le coup, a toujours été clair dans ses engagements jusqu'à la fin de sa vie. Et son suicide en 77. Pour vous donner un fil conducteur sur la méthodologie, non seulement de ce livre, mais je pense de la vie de Mercier-Véga, j'ai extrait cette citation en fait qui est recitée dans la préface. Hein. Alors à propos de l'internationalisme, mais c'est tout à fait applicable à la question donc de l'autopsie de Pellone. Louis Mercier-Véga écrit à propos de l'internationalisme, donc une formule trop souvent sans contenu pratique, mais ne peut devenir un facteur agissant que s'il se fonde sur une connaissance exacte des réalités. Et il me semble que ça, c'est assez fondateur de la méthode de Louis Mercier-Véga, c'est-à-dire que typiquement sur la question du péronisme, et à une époque où il n'y a pas de terme, alors le terme populisme existe, le terme le totalitarisme, fascisme, etc. Bien évidemment, en 74, quand il écrit ce livre, tous ces termes-là existent. Mais pour autant, il n'y a pas une espèce de pression comme ça médiatique et scientifique sur l'utilisation d'un terme. Et donc lui se consacre tout au long de cet ouvrage. À l'analyse exacte de ce qu'il entend par péronisme, et il ne veut pas l'insérer dans une grille préalable analytique, mais il essaye d'analyser ce qu'est le péronisme en tant que tel, sui generis, on pourrait dire, generis. Et ça me paraît extrêmement important et intéressant dans la méthode, et il me semble que c'est particulièrement non seulement fondateur dans ce qu'on pourrait appliquer a posteriori, à expliquer a posteriori comme étant une forme d'anarchisme de chair, C-H-A-I-R-E, mais voilà, il y a un caractère intrinsèque extrêmement roboratif hein, dans le fait que Louis Mercier-Véga propose une analyse qui n'essaye pas de se raccrocher au moindre wagon, mais essaye d'exister par elle-même. Et ça me paraît être fondamental, et ça a été un grand plaisir de participer à cette réédition, puisque la première et seule, je pense, elle est datée de 1974, c'est-à-dire elle avait été publiée chez Duno. En plus, une édition un peu bâclée en termes de première de couverture et quatrième de couverture. Enfin, c'était pas terrible, quoi, on peut le dire. Il y a prescription. Moi, je suis très content du résultat du livre et d'avoir participé à cette édition-ci. Rapidement, je vais essayer de brosser, parce que c'est vrai que le titre populisme anarchisme n'est pas forcément intuitif. Donc je voulais rapidement brosser un peu ce qu'on appelle le péronisme, et donc après cette présentation rapide de Louis Mercier-Véga, vous aurez compris que il a intéressé des anarchistes à travers l'histoire, et donc notamment Louis Mercier-Véga et moi-même. Donc je voulais faire une entrée dans le péronisme et expliquer un peu historiquement aussi pourquoi il y a un lien qu'on peut tracer avec le mouvement anarchiste. notamment argentin, bien sûr. Et puis, dans un deuxième temps, je voulais essayer de rebondir sur la question du populisme aujourd'hui, en basant notamment sur un autre livre que je vous présenterai tout à l'heure, et vous proposer un peu une... Enfin, rapidement, quel lien on peut établir aussi avec le populisme, mais vous verrez que la définition est nettement plus resserrée que celle qu'on peut avoir dans les médias de manière générale. Voilà, donc le péronisme, en fait, ça arrive... Je prends 10 minutes pour contextualiser ça. Le péronisme, ça arrive en 1943, en juin 1943, à la suite d'un coup d'État qui est mené par un carton militaire, dont fait partie Juan Domingo Perón, et qui décide en fait, en juin 1943, Stalingrad est terminé, Guadalcanal est terminé, donc on sent que l'axe est en reflux, que les alliés sont certainement sur une pente ascendante et vont gagner la guerre. Donc il y a une espèce de réaction corporatiste en Argentine à ce moment-là qui consiste à prévenir en fait une potentielle explosion sociale, voire un coup d'État communiste, que fantasment par bien des égards les militaires argentins, mais qui dans tous les cas va être le moteur de ce coup d'État. Sans compter que les années précédentes ont été des années marquées par une république particulièrement corrompue, qui fait voter les morts, qui est très proche de le dernier président Ortiz est quelqu'un qui est proche du nazisme. Donc il y a une espèce de politiquement quelque chose qui ne va pas dans un pays qui, historiquement, est une république quand même, oligarchique peut-être, mais une république. Et puis, économiquement, en fait, ça ne va pas du tout non plus. Enfin, tout au long des années 30, les Argentins, même si c'est un pays qui est extrêmement riche, pâtissent de la faim. Il y a des statistiques assez claires de ce point de vue qui sont fournies à l'époque où, en gros, il y a une bonne partie des Argentins qui ne peuvent pas faire le service militaire parce qu'en fait, ils n'ont pas suffisamment de poids, tout simplement. Enfin, je veux dire, les hommes sont particulièrement... puisque c'était les hommes qui étaient destinés au service militaire à l'époque. Sont régulièrement retoqués pour des questions de manque de masse musculaire. Donc on a un contexte comme ça qui fait que les militaires fantasment l'explosion et l'ascendance d'un éventuel pouvoir communiste et donc prennent les devants en passant en faisant ce coup d'État en juin 1943. Eux-mêmes, la plupart de ces militaires n'ont pas vraiment de programme politique, hein, ils sont sur quelque chose de préventif plutôt, donc s'installe au pouvoir, mais sans avoir vraiment de vision pour la suite des événements. Sauf Juan Domingo Perón, qui lui a effectivement assez rapidement compris que, enfin il me semble en tout cas, que non seulement il y avait une impossibilité à réprimer systématiquement le peuple argentin, j'y reviendrai juste après quand je ferai le lien avec l'anarchisme, mais qu'en plus, on peut lui faire crédit peut-être du fait qu'il n'avait pas forcément envie de ça, hein, tout militaire qu'il était, et tout fan de la communauté organisée hitlérienne et du fascisme qu'il était. Bon voilà, il y a quand même, on va pas se leurrer non plus, il y a quand même une visée à destination de la population dans le fascisme, il y a une proposition sociale dans le fascisme et dans le nazisme qui historiquement est quand même assez évidente, et donc lui il vient donc de cette origine extrême droitière et il décide, une fois qu'il est à son poste de secrétariat du travail et des prévisions, il décide de passer un certain nombre de promulguer en fait un certain nombre de lois qui ont été posées depuis bien longtemps par les différents parlementaires, notamment socialistes, qui étaient élus en Argentine, mais qui manquaient donc d'une signature du ministre pour pouvoir être appliqué. Donc lui, il va signer un certain nombre de documents dans lesquels, concrètement, il va lancer en fait un certain nombre de mesures sociales qui vont lui, évidemment, assurer la sympathie d'un certain nombre de structures, notamment syndicales. Sachant que le gros syndicat argentin à l'époque, c'est le syndicat qu'on appelle la CGT, CGT donc, qui s'est monté avec ce nom-là en hommage à la CGT française en 1930. et sur les comment dire un peu sur les dans les suites de d'un premier coup d'État qui a eu lieu en 1930. Donc cette CGT en fait elle est tiraillée par différents courants, elle se veut syndicaliste pure, c'est-à-dire pas anarcho-syndicaliste ou pas syndicaliste révolutionnaire, mais simplement syndicaliste, au sens où concrètement le syndicalisme aurait un projet social et économique et politique inhérent et donc serait indépendant hein, ou autonome. Et donc, on retrouve évidemment des socialistes dans le lot, on retrouve quelques syndicalistes révolutionnaires comme Louis Gay, par exemple, qui va jouer un rôle assez important dans la suite des événements. On retrouve des gens comme Cipriano Reyes, par exemple, qui lui est plutôt proche des anarcho-syndicalistes. Enfin, bon, on retrouve tout un aéropage de personnes qui vont aider aussi le péronisme. Alors, est-ce qu'ils étaient... Je pense pas qu'ils étaient dupes hein, du tout de ce qui est en train de se jouer, mais simplement, eux aussi ont tenté de jouer une carte pour améliorer les conditions sociales, économiques et politiques de la population argentine. Bon. Tout ça se joue jusqu'à ce que, en gros, dans les années 45, milieu de l'année 45, en fait, il y ait un coup d'État contre Perón, qui n'est même pas au pouvoir, hein, mais concrètement, il est incarcéré plutôt sur ordre de l'ambassade des États-Unis, hein, puisqu'on a quand même un ambassadeur à l'époque qui s'appelle Sproul, je sais pas comment on le prononce, Sproul, Sproul Radden, quelque chose de ce type, qui est totalement hispano, enfin qui est bilingue, il est espagnol, enfin anglais parfaitement, et qui joue un rôle extrêmement proactif dans la société argentine de l'époque. Alors bon, c'est assez étonnant, hein, il faudrait s'imaginer par exemple, je sais pas, moi, l'ambassadeur états-unien en France nous expliquer qu'il ne faut pas voter pour un tel ou un tel, bon... Ouais. Et à intervenant dans les médias concrètement, enfin bon, c'est assez cocasse. Quoi qu'il en soit, en fait, Perón était éloigné du pouvoir un certain temps, quelques jours en fait, mais le temps que concrètement les masses populaires péronistes, en tout cas dans la mystique péroniste, déferlent dans la ville pour sauver en fait leur candidat. Ça se passe le 17 octobre 1945. Alors la mystique péroniste évidemment attribue une bonne part à quelqu'un qu'on n'a pas encore cité mais qui est Evita Perón, qui elle est présente depuis 1943 hein, en fait dans la vie de Perón hein. Et donc Evita, elle, selon la mystique péroniste, elle aurait parcouru les différentes banlieues de Buenos Aires pour activer la population, enfin animer la population et la cité à prendre part à ce déferlement humain qui libérerait Perón. On y croit, on n'y croit pas, c'est comme Jésus-Christ, hein, mais en tout cas, ce qui se passe à la fin, c'est que effectivement Perón est libéré, que s'entame une candidature, enfin une élection présidentielle qu'il gagne en 46, début 46, sans aucune espèce de fraude. Hein. Il n'y a pas de, comment dire, sa candidature n'est pas entachée de quoi que ce soit. Enfin, son élection n'est pas entachée de quoi que ce soit. Et donc, effectivement, on va commencer ce qu'on appelle le péronisme orthodoxe pendant une dizaine d'années, entre 1946 et 1955, où en fait, on va avoir deux élections, deux mandats, le dernier mandat se terminant un peu en autre boudin, avec un coup d'État. Bon, il y a quand même l'idée qu'il y a un certain nombre de mesures quand même politiques qui vont être passées à ce moment-là, qui sont des mesures à la fois sociales, comme par exemple la retraite pour octroyer à 2 millions de travailleurs, le statut des péons, qui s'attaque directement à l'oligarchie terrienne. Bon, un certain nombre de mesures comme ça qui sont passées et qui sont effectivement des mesures sociales. Il y a des mesures économiques aussi, hein, par exemple la nationalisation, selon Perón. C'est pas très clair, j'ai pas vraiment réussi à avoir le fin mot de cette histoire-là, mais bon, selon Perón, il aurait carrément échangé la dette qu'il avait avec l'Angleterre contre l'intégralité du rail, qui à cette époque-là appartenait en fait à des entreprises britanniques. Et quand je dis le rail, c'est le rail concret, les trains, les gares. Donc il aurait échangé les 2 milliards de livres que lui devait l'Angleterre, puisque évidemment... L'Argentine a fourni de la viande en fait à tout le monde, hein, n'était pas en capacité forcément de nourrir sa population, mais envoyait des produits à l'Europe en guerre. Les deux côtés ? Pardon ? Les deux côtés ? Ah ben, ils vont recevoir aussi quand même le renfort d'un certain nombre de cerveaux qu'ils ont permis, qu'ils ont participé à exfiltrer, puisque alors le péronisme, alors vous avez tous certainement entendu l'expression, enfin t'es un Fangio ou enfin voilà le nom Fangio, vous est sans doute comment dire familier. Ou, et Fangio, c'était un pilote en fait du péron, enfin qui a un pilote de Formule 1 qui sont enfin, selon les spécialistes, hein, je ne suis absolument pas spécialiste de Formule 1, pas plus que de foot d'ailleurs, mais il semblerait que ça soit un des grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Et le Fangio en question est argentin et roule sur des voitures qui sont en partie construites en Argentine. Et en fait, toute cette, comment dire, cette période-là du péronisme, toutes les années 50 et un peu au début des années 60, on va avoir quand même non seulement comment dire, le développement d'industrie, alors il a récupéré, racheté le train, mais il va largement développer le rail et développer le type de train qui vont rouler sur ces rails-là. Il y a le développement d'une industrie nucléaire qui est interne hein, à l'Argentine. Hein. Il n'y a pas de renfort de... Enfin, il y a des renforts, si, il y a eu des renforts, mais de cerveaux allemands qui se sont retrouvés à la fin de la guerre, par hasard sans doute, en Argentine. Autant que par hasard, sans doute en France, hein, puisque bon, y a un livre quand même qui est sorti l'année dernière, je tiens à le signaler, parce qu'on tape toujours sur les États-Unis, l'Union soviétique et les Argentins de ce point de vue, mais en fait, il y a un journaliste qui a sorti un livre qui s'appelle Un pacte avec le diable, Mengele. L'année dernière. Mengele. Alors, Mengele en Amérique latine, mais le journaliste en question, dont j'ai oublié le nom, là, a sorti un livre qui s'appelle Un pacte avec le diable l'année dernière. Alors, c'est mal écrit, j'ai pas. Enfin, bon, bon bref, c'est une écriture journalistique, j'ai pas accroché sur l'écriture, mais enfin, le fond est quand même assez intéressant. Il arrive à démontrer, quand même, dans cette histoire-là, que, en fait, le programme aérospatial français a été largement développé avec l'aide de renforts de cerveaux nazis aussi, hein, de scientifiques nazis. Bon, en gros, c'est la même chose qui se passe en Argentine pour la totalité de l'industrie et que finance largement le péronisme, puisque effectivement, ils ont les caisses pleines du fait d'avoir vendu et d'avoir été neutre et de ne pas avoir subi quoi que ce soit pendant la guerre. Un détail en passant, l'Argentine, c'est la quatrième puissance à avoir envoyé un être vivant dans l'espace. Après... les États-Unis, d'abord l'URSS, je crois, les États-Unis, la France, il y a l'Argentine qui envoie un rat qui s'appelle Belisaire. Belisario. Alors Belisaire, c'était le bras droit de ce Justinien, pour ceux qui se souviennent de leur course sur l'Empire byzantin. C'était le général. Bon, bref. Donc voilà, on a cette espèce de si Perón s'est rapproché, enfin si Perón dans l'exil s'est inspiré et a revendiqué sa filiation avec De Gaulle, c'est pas pour rien, hein, c'est qu'il y a quand même cette espèce d'idée que fondamentalement il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'état social qu'on a connu en France après la Seconde Guerre mondiale, qui va se monter aussi en Argentine, hein, pour le faire un peu court. Et puis surtout, à la différence de De Gaulle, Perón, lui, va être donc jeté du pouvoir en 1955 par un coup d'état. Militaire, qui lui est un coup d'état mené par des gens qui sont plutôt libéraux pour le coup d'un point de vue économique et pas très libéraux pour le coup d'un point de vue politique, puisqu'ils interdisent jusqu'au nom de Perón et jusqu'à la prononciation du nom de Perón. Et en fait, ce coup d'état, évidemment, il va jeter dans les bras du péronisme un certain nombre de personnes qui étaient un peu frileuses quand le péronisme était au pouvoir. Alors, par exemple, un vieux compagnon qui est décédé il y a quelques années en arrière, là, Eduardo Colombo, qui a vécu la période, me disait, quand j'ai pu en discuter avec lui, que, en fait, c'était pas totalitaire, la période péroniste, mais elle était dictatoriale. Alors, je ne sais pas si la différence fait sens pour vous, mais en gros, il y a quand même cette idée que, enfin, pour moi, on va le formuler comme ça rapidement, la dictature tente de se maintenir au pouvoir, quels que soient les moyens. Alors que le totalitarisme, il y a quand même ce supplément d'âme où il faut adhérer sentimentalement presque au projet de l'État. Donc on n'est pas là-dedans dans le péronisme. On est dans une dictature, effectivement, une dictature qui a une police qui réprime, qui peut tuer, qui retrouve régulièrement des cadavres d'opposants dans les basuras ou dans les poubelles, etc. Mais on n'est pas sur quelque chose de totalitaire quand même. Dixit, les gens avec qui j'ai pu en discuter, qui ont vécu vraiment la période. Voilà. Donc évidemment, il y a une opposition à ce moment-là, sous le péronisme, qui est certaine. Mais cette opposition, en fait, quand elle voit que ce qui arrive derrière est encore pire, et que, par ailleurs, la population, notamment ouvrière, a quand même une forme de sympathie et d'adhésion à ce qu'a été le péronisme, parce qu'évidemment, ils ont bénéficié d'un certain nombre de mesures sociales, pour le coup. Il y a toute une frange de la population qui va se mettre dans l'action péroniste concrète de terrain, ce qui va donner tout de suite une espèce de couleur beaucoup plus gauchiste au péronisme, et j'utilise le terme gauchiste à dessein, hein, puisqu'on va avoir effectivement la floraison d'un certain nombre de tout au long des années 60 et début des années 70, on va avoir la floraison de tout un tas de revendications qui ont à voir avec la question des voisins, de la question des prisonniers, la question des femmes, il y a toute une activité autour de ça qui se dessine, tout en revendiquant Perón et le retour de Perón au pouvoir. Bon, alors, il y a une espèce de dichotomie comme ça qu'il faut assumer, mais il l'assume très bien. Et alors, en fait, effectivement, là où on peut où il y a un lien avec l'anarchisme, c'est que le péronisme historique n'intervient pas sur un terrain qui est totalement neutre politiquement, c'est-à-dire que c'est pas une page blanche sur laquelle Perón aurait écrit et aurait pris ses mesures. Et en fait, depuis les années 1870, on a quand même, et il y a un parallèle à faire assez net avec l'Espagne de ce point de vue, hein, et l'Italie, puisque l'Argentine est quand même un pays qui a été largement peuplé d'Argentins et d'Espagnols, d'Italiens et d'Espagnols, merci. Puisque l'Argentine a largement été peuplée par des Italiens et des Espagnols, ces Italiens et ces Espagnols arrivent avec leur bagage politique, hein, aussi. Hein. À savoir que, en Italie, en Espagne, il y a quand même l'international bakouninienne et anti-autoritaire qui est quand même très très avancé et qui a réussi à damer le pion à l'international plus autoritaire marxiste. Et donc, effectivement, on a le développement assez vite de groupes, d'abord plutôt individualistes, et puis après vont commencer à s'organiser sous la forme de fédérations. Avec une première fédération qu'on appelle la FOA, Fédération Obrera Argentina, en 1901, qui va rapidement se rappeler FORA, Fédération Obrera Regional Argentina, en 1905, avec cette idée. Alors, moi, j'ai l'exprimé comme ça parce que en fait, c'est des anarchistes syndicalistes, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'outil syndical pour faire la promotion de l'anarchisme. Ce qui est un peu différent de l'anarcho-syndicalisme à la modalité espagnole ou au syndicalisme révolutionnaire français, par exemple, puisqu'on a quand même cette idée que de la double besogne, hein, si vous revoyez un peu la question de la charte d'Amiens, hein, l'idée du syndicalisme révolutionnaire à la française, c'est quand même l'idée qu'on va travailler pour défendre les ouvriers, augmenter leurs conditions, enfin améliorer leurs conditions de travail, de salaire, etc., mais qu'à côté de ça, on lutte pour changer la société concrètement. La FORA était un peu moins dans cette première besogne de « on va améliorer les conditions de travail, puisque de toute façon, il faut faire la révolution ». Donc c'est pour ça que moi, je les définis plutôt comme des anarchistes syndicalistes. Et d'ailleurs, quand en 1922, ils demandent leur adhésion à l'AIT de Berlin, ça grince un peu, parce que la FORA est toujours une centrale qui est puissante, elle a plusieurs dizaines de milliers d'adhérents, mais il y a une autre centrale syndicale qui, à ce moment-là, en Argentine, est aussi très puissante et qui s'appelle l'USA, la Union Syndicale Argentina, qui, elle, est beaucoup plus sur une modalité anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire et aurait eu beaucoup plus de sens à intégrer l'AIT que la FORA. Mais bon, je ne rentre pas dans le détail, ça va être long et pénible. Mais tout ça pour dire que pendant 70 ans, justement en 1943 à peu près, et au coup d'État de Perón et des militaires, on a quand même un terreau anarchiste qui a largement labouré, en fait, un terrain argentin qui a largement été labouré par les anarchistes à travers foultitude de groupes, de théâtres culturels, des gens qu'on appelle par exemple des linieras, c'est-à-dire des gens qui sont des espèces. Alors, le terme équivalent en français, ce serait celui de trimard ou trimardeur, c'est-à-dire ces gens qui se déplaçaient dans toute la France avec un baluchon et parlaient d'anarchie aux gens qu'ils croisaient et d'anarchisme. C'est la même chose aux États-Unis avec les hobos, si vous voyez un peu l'idée. Et donc on a le même type de personnages, espèce de prophètes assumés en tant que tels, hein, puisque en Amérique latine, enfin dans le monde hispanophone, il y a quand même l'utilisation sans vergogne d'une terminologie quasi religieuse pour désigner l'anarchisme, hein. Enfin, il y a des camarades qui ont écrit il y a pas longtemps un livre sur dont le titre, mais je crois pas qu'il ait été traduit en français, mais le titre était « Quand les anarchistes citaient la Bible ». Je sens que c'est Joël Delhomme, hein, y a participé notamment. Et en fait, c'est bien cette idée-là. Hein. Si vous lisez les textes des années 20-30 en espagnol, on va parler de la idea, de los profetas, de toute une terminologie en fait, qui est vraiment une terminologie religieuse, en fait, hein, chrétienne, pour désigner les penseurs anarchistes passés et pour désigner l'anarchie comme espoir à venir. Donc voilà, donc le péronisme en fait prend pied là-dedans, prend pied sur un terreau qui est un terreau politique, qui est un terreau largement élaboré donc depuis des années par des anarchistes, qui en fait ont commis surtout entre guillemets l'erreur de s'intéresser pendant la guerre d'Espagne et la révolution la révolution sociale, qui se sont surtout tournés sur l'aide à apporter à l'Europe, se sont un peu désintéressés du terrain argentin. Parce que les communistes ont eux, pour le coup, investi ce terrain argentin. Et en fait, du coup, quand en 1943, le coup d'État intervient, il n'y a pas vraiment de capacité de résistance. Et le mouvement libertaire, qui était quelques années auparavant un peu, encore assez costaud, si vous passez l'expression, va se faire balayer assez vite par le péronisme. Et évidemment, ce que moi j'ai appelé dans un de mes bouquins le pragmatisme populaire, va faire que les gens vont adhérer massivement à une idéologie qui leur apporte en fait un certain nombre de bénéfices sociaux, économiques, politiques aussi, hein. C'est la sonnerie de mon réveil, c'est pour ça que ça m'a étonné. Je me dis, je suis en train de parler. Je suis à Marseille, oui, c'est ça. Donc, j'ai eu un doute. Bon, bref. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez. Est-ce que. On peut peut-être faire une. Pas une pause, mais enfin, est-ce que vous avez des questions autour de ça pour que j'essaie de rebasculer après avec cette idée de populisme ou est-ce que vous voulez que j'enchaîne directement et je vais revenir sur Marcel Vega. Les gens de mon âge se souviennent peut-être qu'il y avait l'incroyable anarchisme. Oui. La Capacité, c'était un bouquin assez remarquable parce qu'il n'hésitait pas à critiquer. Enfin, c'était pas le truc dithyrambique sur l'anarchisme, et c'était publié en petite collection de poche, et c'était un des meilleurs bouquins de vulgarisation. Quelques réédités après, une ou deux fois, je crois. Oui, oui, qu'on connaissait Louis Mercier-Vega de nom. Oui. Après, il y a eu la chevauchée, tout ça, c'est oui. Ses aventures, entre guillemets. C'est ça. Oui, parce que c'est un personnage romanesque, ouais. Quand même. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui, voilà, sa participation à la révolution sociale espagnole, son départ vers l'Amérique latine, son retour dans la FFL, enfin, je veux dire ses allers-retours, etc. Enfin, et puis sa dimension intellectuelle fait que c'est quand même un personnage qui mériterait effectivement un peu plus d'égard que celui qu'on lui a. Enfin, pas que nous en tant que anar, hein, je veux dire de manière générale, on pourrait. Il me semble que c'est quand même une personnalité intellectuelle qui est de premier ordre dans l'histoire du XXe siècle. Et c'est dommage qu'effectivement il n'y ait pas de plus d'engouement pour d'engouement c'est pas le terme mais de... Alors sur l'anarchisme typiquement, enfin sur l'Argentine typiquement, voilà, j'avais relevé une de ces phrases, hein, c'est donc qu'il y a dans le livre L'autopsie de Perón, c'est abandonnons donc les comparaisons historiques et contentons-nous d'observer ce qui s'est passé et ce qui se passe en Argentine. Ce n'est pas la matière qui manque C'est ce qu'il ajoute derrière. C'est, voilà, ça, c'est ça. Encore une fois, c'est sa méthode. Hein. Il est quand même sur quelque chose de vraiment sociologique. Et c'est l'un des rares à avoir cette analyse à ce moment-là, sans verser soit dans la caricature, soit dans le trans, soit dans l'insulte ou l'admonestation. Enfin, c'est quelqu'un qui est extrêmement, de ce point de vue, il me semble intéressant. Et ce qui se peut nous renvoyer aussi dans l'incroyable anarchiste qui a un super, enfin qui a un livre que j'ai lu sur le tard mais qui est vraiment un livre qui mérite d'être lu effectivement. Bah, typiquement pour faire le lien, il rejette en bloc par exemple dans le livre Autopsie de l'homme, il rejette en bloc le terme de bonapartisme associé au péronisme. Alors le bonapartisme, ça remonte bien sûr à Napoléon, mais l'un de ceux qu'il a le plus utilisé, il me semble, c'est Trotsky pour désigner justement et ses curiféraires et ses successeurs. Donc Trotsky utilisait le terme de bonapartiste pas pour Perron, hein, puisqu'il est mort avant, hein, il est mort en 40 et il connaissait pas Perron à ce moment-là, notamment quelqu'un comme Ernest Mandel qui est un belge aussi et trotskiste va taxer donc le régime de Perron de bonapartisme. Donc ça par exemple ce terme-là est renvoyé à juste titre par Mercier et Vega comme inopérant. Bonapartisme, hein, vous voyez les trois droites théorisées par René Raymond, si ça vous parle, en gros, césarisme ou bonapartisme d'un côté, avec quelqu'un comme De Gaulle, on a ce qu'on appelle l'orléanisme, avec les gens qui sont des en gros monarchistes libéraux, Macron aujourd'hui, quoi, et les légitimistes, qui sont donc des gens qui sont objectivement contre-révolutionnaires et qui sont pour un retour quasi à l'ancien régime. Alors, ce que serait, a priori, quelqu'un comme Marion Maréchal Le Pen, sauf que j'ai appris dernièrement qu'elle avait appelé sa fille Olympe, pour Olympe de Gouges, donc on comprend plus rien, c'est pas grave. Voilà, bon, bref, ça c'était pour la minute people. Et autre chose, oui. Mercier Vega, c'est aussi quelqu'un qui avait envie de renouveler l'anarchie, c'est un créateur de revues. Oui, tout à fait. Interrogation, c'est interrogation, preuve, en espagnol. Voilà, donc vous avez par exemple une revue comme la revue Preuve, je ne sais pas si vous en avez quelques exemplaires ici. Peut-être. Donc la revue Preuve, qu'il a peu. Il a également, parce qu'il y a un cahier photo qui est très bien fait pour se dire. Il y a par exemple la revue Aportes aussi qui va mettre en place en espagnol là pour le coup, et qui s'intéresse donc sur les études latino-américaines. Voilà, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui a toujours été dans une forme de. Qui a voulu reconstruire et. Enfin, qui est dans une forme de. Oui, renouvellement permanent de ce point de vue intellectuel. Donc, il rejette d'ailleurs, donc, comme je le disais tout à l'heure, le terme bonapartisme pour désigner le péronisme. Il rejette le terme totalitaire pour désigner le péronisme. Il rejette le terme nazi ou fasciste, puisque c'est évidemment trop simple, même si les communistes à l'époque, en 1943, taxaient le courant péroniste de nazi-péroniste. Mais bon, ça reste une insulte et c'est une catégorie trop vague pour désigner, enfin pas trop vague, mais inopérante pour désigner le péronisme. Et il rejette aussi le terme populisme pour désigner le péronisme. Alors, tout ça me mène à cette idée de populisme et anarchisme, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le terme, là, pour le coup, populisme, c'est un terme qu'on a entendu depuis ces dernières années. Il y a une inflation, hein, évidente. Hein, je reprends un texte de Pierre Rimbert dans Manière de voir, hein, la revue du monde diplomatique. Hein. Il y a eu un numéro en 2018, je crois, 2019, qui s'appelait « Tous populistes », point d'exclamation, qui était en bonne partie ironique. Hein. Mais effectivement, dans ce numéro, on voit qu'entre 2015 et 2018, le nombre d'articles parlant du populisme est passé de 486 à 1254. Donc on a quand même, en 3 ans, une espèce d'inflation comme ça du terme. Il me semble que ça s'est un peu tassé ces derniers temps. On entend peut-être un peu moins parler de populisme. Mais si je reprends je me suis quand même pas mal intéressé à ce livre là, qui s'appelle « L'esprit démocratique du populisme » de Federico Tarragoni, qui est un sociologue qui, avec lequel je suis assez d'accord, et donc il a fait une analyse qui me paraît, et je le mets en parallèle de ce qu'a fait Mercier Vega, parce que effectivement il a cette même idée, il me semble, de vraiment rentrer dans le travail intellectuel et d'essayer de gratter vraiment là au-delà du vernis et du terme un peu trop facile calé ou plaqué sur des courants qui n'ont strictement rien à voir, hein. Il essaie de faire ce travail pour aller un peu plus loin et essayer de voir vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière la réalité de ce qu'on appelle populisme. Et donc lui, il note, hein, que ces derniers temps, on a parlé de populisme judiciaire, populisme climatique, populisme culturel, patrimoniaux. Il y a quelques temps en arrière, j'avais écouté un journaliste de l'Obs disait à propos de l'émission de Radio de France Inter, si tu écoutes, j'annule tout. Je ne sais pas si vous voyez cette émission, c'est une émission qui était menée par Charline Van Honecker et ses comparses. Il parlait à propos de cette émission, désormais sur les ondes et à l'écran, sous prétexte d'audace transgressive, on s'aligne sur un populisme sympa qui donne le ton. Il s'agit de rire, de rigoler encore, de s'esclaffer toujours. Bon voilà, donc du coup on a un terme là, qui est un mot insulte, comme dirait Talagoni, qui est un terme valise dans lequel on plaque à peu près tout et n'importe quoi, et populisme devient une insulte en fait. Et surtout une manière de masquer des réalités qui, elles, sont beaucoup plus tangibles et beaucoup plus inquiétantes à mon sens. Et notamment, enfin, je veux dire, quand on parle, pour changer un peu de la France, si on parle de la Ligue du Nord, enfin, pourquoi taxer la Ligue du Nord de Matteo Salvini de populiste, quand clairement, en fait, leurs propositions sont des propositions néofascistes, nationalistes, et que ça, ces termes-là, ça a du sens. Que parler d'autoritarisme, ça a du sens. Que de parler donc de nationalisme, de néo-post-fascisme, ça a du sens. Mais que de parler de populisme en étant d'accord sur le fait que la plupart des gens ont leur propre définition ou pas de définition du tout, mais ont une espèce de propension à taxer tel ou tel courant de populisme. Alors, ces derniers temps, j'ai l'impression que le terme complotisme a remplacé un peu le terme populisme, c'est-à-dire qu'on devient on est tous le complotiste de quelqu'un. Donc cette idée-là de populisme, en fait, elle est, et ça, là pour le coup, Tarragone le démontre de manière assez comment dire, pertinente à mon sens et de manière assez exhaustive. Alors lui, il a un terme rigolo qui est le terme de populologie. Il estime qu'il y a plein de gens qui se sont institués comme des populologues en France, donc des gens comme Dominique Régnier, des gens comme Taguieff, Pierre-André Taguieff, des gens comme Vivorca, sont des personnes qui se sont, ou dernièrement, des gens comme Pierre-Rosan de Vallon dans le siècle des populistes, ou des gens comme Alain Rouquier dans, lui pour le coup, le siècle péroniste. Enfin, il y a plein de gens qui s'instituent, qui sont pas forcément dans le dernier cas d'Alain Rouquier, hein, mais dans la plus Rosan de Vallon, bon. Dans la plupart des cas, ce sont quand même des gens qui sont relativement, qu'on peut relativement facilement classer à la droite de l'échiquier politique, et qui, en utilisant ce terme de populiste, en fait, ne masquent qu'une seule chose, c'est en fait le mépris, voire ou la peur totale de la population. Et alors, évidemment, le terme peuple est un terme extrêmement compliqué et à manier avec précaution, mais bon, on l'a vu explicitement quand on a vu le mouvement des Gilets jaunes, hein. La haine, le mépris de classe qui a été exprimé à ce moment-là par l'ensemble des médias vis-à-vis d'une personne, alors que nous, enfin, en tout cas, quand je dis nous, c'est ma compagne et moi-même, en tout cas, avons vu ce mouvement en train de se doter de ses propres institutions, hein. Par exemple, l'Assemblée des Assemblées, c'est quand même une institution qui est en devenir et qui est quand même une structure de souveraineté populaire, de démocratie directe, mais au sens non pas référendaire, mais vraiment de démocratie directe, qui s'est mise en place à ce moment-là, qui méritait tout sauf le mépris qu'il a subi, mais qui était un mépris matissé de peur, on est d'accord, et qui se retrouve dans le terme populiste. Et donc, quand on balance populiste à n'importe quel moment, à toutes les sauces, ça cache de plus en plus mal, en tout cas, Et Talavon a démontré, à mon sens, de manière assez, assez évidente, que ça ne masquait plus du tout le fait que concrètement, c'est surtout un terme qui est un mot insulte et qui revendique en fait tout simplement la démocratie comme seule et unique, revendique la démocratie représentative comme seul et unique horizon. Et évidemment, je dis évidemment, en tout cas moi en tant qu'anarchiste, je peux pas me contenter la démocratie représentative comme seul et unique horizon. Et ça, il me semble. Alors, c'est quelque chose qu'il faut avoir bien en tête avant de rebondir sur l'idée que historiquement, et même si Mercier Vega rejette ce terme-là pour analyser la réalité péroniste, historiquement il y a quand même trois grandes expériences qui ont été menées dans l'histoire qui sont reconnues comme des expériences populistes par la plupart des historiens. C'est d'abord le mouvement russe qui s'étale entre, en gros, 1848-50 jusqu'à 1890 et qu'on va appeler les Narodniki, dont l'un des inspirateurs est quand même Mikhail Bakounine et le deuxième Alexandre Herzen. On va avoir dans un deuxième temps, à partir de 1877 jusqu'en 1890, ce qu'on appelle le People's Party, qui est un mouvement donc de fermiers aux États-Unis qui s'oppose à tout ce qui est dérive financière et intègre ou tente d'intégrer dans ses revendications non seulement les populations afro-américaines, de donner sa place aux femmes, essaye de mettre en place des structures les plus démocratiques possibles. Et puis le troisième moment, pour utiliser un terme que donc avec lequel je suis d'accord aussi et qu'utilise Talavoni, c'est les expériences dites populistes en Amérique latine dont le péronisme fait partie. Avec le péronisme, il y a par exemple le moment de la présidence de Lázaro Cárdenas au Mexique entre 32 et 38, si je me souviens bien, ou non, entre 34 et 40, pardon. Entre 1934 et 1940. Donc Lázaro Cárdenas, c'est quelqu'un qui est un militaire aussi, qui arrive au Mexique en tant que président et qui non seulement va répartir, je crois, l'équivalent de 2 millions d'hectares entre les mains des paysans, donc il va approfondir la réforme agraire, et puis il va être tout à fait favorable à la révolution sociale espagnole. Il va accueillir le Mexique et le deuxième foyer d'accueil en fait des réfugiés espagnols après la France, hein. Alors bon, là, pour le coup, le Mexique voulait bien les accueillir, les Français un peu moins. Le Mexique a beaucoup œuvré à Marseille. Oui, paraît-il. Oui, c'est ça, pour exfiltrer. Il y a une plaque à 126. D'accord. J'ai publié un livre, d'ailleurs, là-dessus. Oui, Brosquès. Très intéressant. Il a nationalisé le pétrole aussi. Oui, c'est vrai. Il a créé le il a nationalisé. Comment c'est, bon, j'ai oublié pétrole. Cimentos, Pemex, oui, Pemex, le pétrole mexicain. Voilà. Donc on a ces trois temps qui sont trois moments qui sont des moments pour lesquels il y a quand même plutôt un consensus, et surtout le moment russe qui fait consensus pour désigner en fait un mouvement populiste ou un moment populiste qui est en fait constitué donc de jeunes intellectuels essentiellement qui vont rendre dans les campagnes russes influencées par le printemps des peuples de 1848, avec cette idée de concrètement réussir à former la population paysanne, puisque la Russie à ce moment-là, sur 60 millions de paysans, je crois qu'il y en a 48 millions qui sont analphabètes, donc l'idée c'est de réussir à les analphabétiser, l'idée c'est de s'appuyer sur leur structure traditionnelle qui sont des structures communautaires, donc avec cette assemblée qu'est le MIR, qui a permis, peut-être à son corps défendant, mais en tout cas qui ont permis les réformes d'Alexandre, oui c'est ça, Alexandre II, Donc ce mouvement en fait populiste, en gros, c'est quand même un mouvement qui se base sur la spontanéité et l'autonomie des masses. Alors, ça aboutit pas hein, à ce moment-là, mais bon, en tout cas, ils misent là-dessus. Et c'est un mouvement qui se veut quand même radicalement démocratique, révolutionnaire, et qui a quand même, au-delà de la figure tutélaire qui est Bakounine, a quand même un lien assez explicite avec l'anarchisme. Bakounine est passé à quelque chose d'un peu plus organisé, de moins spontanéiste peut-être, mais on a cette idée quand même que le populisme, qui a été oublié hein, pendant toute une parallèle, toute la première... pendant une bonne partie de la deuxième partie du XXe siècle, hein, ce terme-là a été oublié, a été réactualisé aussi au début des années 80 avec le retour de Reagan, enfin l'arrivée de Reagan et l'arrivée de Thatcher au pouvoir. C'est un terme qui va revenir aussi dans la bouche d'un certain nombre de sociologues, notamment argentins comme Primo Germani, qui va lui développer l'idée de national populaire. Populaire, mais sous-entendu derrière populisme. Donc on a un terme qui a été en fait déshistoricisé pour être appliqué à tout et n'importe quoi aujourd'hui. Mais si on renvoie à une histoire qui n'est absolument pas contestée par aucun en fait des commentateurs ou des exégètes ou des populologues, y compris, comme pour reprendre le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, personne ne conteste cette première histoire en fait populiste russe. Au contraire, tout le monde reconnaît que ça a été le première fois où on a pu constater un mouvement de cette ampleur et de cette typologie-là. Moi je suis favorable à invalider l'utilisation du terme populiste pour mettre dans un même panier ses camarades de la fin du 19e siècle et Marine Le Pen ou Matteo Salvini. À côté de ça, bah, y a effectivement, sans fondre les deux idées anarchistes et populistes dans un même panier non plus, hein, mais il y a quand même, il me semble, beaucoup plus de liens à tisser entre ces deux idéologies que ce qu'on veut bien croire, et ce que cette utilisation de manière totalement débridée du terme veut bien laisser penser. Et pour terminer rapidement sur un terme, sur une expression qui constitue le titre d'un camarade à nous qui s'appelle Nature Egoist, hein, et qui a publié il n'y a pas longtemps un livre sur l'insurrection algérienne, Un seul héros, le peuple. Voilà. Donc, si vous avez des questions. À la fin, il y a deux choses. C'est les gens qui veulent changer de régime, et puis après, il y en a d'autres au pouvoir qu'on appelle aussi populisme. Et ces gens-là, c'est quoi? Ils font quelques trucs pour le peuple, mais derrière, ils sont pour le capitalisme, ils veulent rien changer du système, et voir, c'est des dictateurs et qui foutent tous leurs opposants dans des tours. C'est pour ça que... C'est pour ça que c'est deux choses pour répondre différentes, parce que le populiste Le Pen et le populiste... Russe, que c'est le même nom, ça m'étonne vraiment là-dedans. Oui, c'est ça. Mais alors, bon, moi, d'une part, l'immense majorité des gens qui sont actuellement au pouvoir, à titre personnel, il me semble pas pertinent de désigner, Poutine comme un populiste. Enfin, c'est une démocratie autoritaire, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut peut-être parler de dictature aujourd'hui, vu avec la dérive depuis le début de la guerre d'Ukraine, mais c'est nationaliste. Mais je suis pas, enfin, le terme populiste me paraît pas effectivement un terme adéquat. Et y compris pour moi, là pour le coup, même si Federico Talagoni utilise cette. enfin, ce moment latino-américain pour parler de populisme. Moi, je suis plutôt d'accord avec le travail de Louis Mercier-Vega. Il me semble que même si le péronisme a été à un certain moment présenté comme une espèce de populisme chimiquement pur, moi, il me semble que le péronisme s'explique très bien par lui-même, en fait. Et qu'il est suffisamment compliqué que l'enjeu intellectuel, et c'est justement ça qui est passionnant dans le livre de Mercier-Vega, c'est d'essayer de le comprendre sans essayer de trouver des termes sur lesquels on devrait, qui sont des grilles d'analyse complètement trop larges, quoi. Et effectivement, du coup, est-ce que le mouvement populiste n'a existé que dans le moment russe et dans le moment états-unien avec le People's Party, c'est fort possible, en fait. Et que c'est vraiment un moment qui n'a été que présent dans la fin, le dernier tiers du 19e siècle, et que ce terme-là, du coup, n'a plus vocation à être opérant aujourd'hui pour désigner, malgré toutes les tentatives qu'essayent de faire, parce que ça devient ridicule, hein, ce que j'ai cité tout à l'heure, c'était qu'une partie de, enfin, populisme climatique. Qu'est-ce que veut bien vouloir dire un populisme climatique ? Un populisme culturel, à la limite, on peut le comprendre. Un populisme judiciaire, patrimonial. À quoi tout ça peut-il bien référer ? Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sens, si ce n'est, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire masquer que, concrètement, oui, il y a des populations qui essaient de se s'auto-instituer, comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure avec les Gilets jaunes, et qui, il me semble, on a vu quand même la bourgeoisie française en 2018 avoir sacrément peur du mouvement qui était en train de se dérouler. Et tout ce qui a suivi derrière, et notamment sa fermeté sur le mouvement et sur la question de la réforme des retraites de l'année dernière, il me semble, est une vengeance de ce qui s'est passé en 2018, parce que visiblement, l'hélicoptère était prêt quand même pour qu'il s'enfuie, comme d'ailleurs se sont enfuis les présidents en 2001 du palais de la Casa Rosada à Buenos Aires. A priori, l'hélicoptère était prêt pour qu'il fuit l'Elysée. Il me semble que ça, il n'a pas oublié, quoi. Donc le mot ne serait utilisé, enfin ne serait, non, je mets du conditionnel, je ne sais pas, est utilisé pour le discrédit. Ouais, uniquement. De ce qui est revendiqué, c'est ça. Une façon de le dénigrer, ce qui est revendiqué, on utilise ce mot, ça fonctionne. C'est ça, parce que, par exemple, c'est un exemple qui est donné dans le livre de l'esprit démocratique, là, du populisme. Quel sens y a-t-il à mélanger, je ne me souviens plus la date. Mais il y a quelques années en arrière, donc le mouvement Cinque Stelle et de Louis, comment il s'appelait, de Beppe Grillo, et je me souviens plus celui qui est arrivé à ce moment-là, Di Maio, non, Luigi Di Maio, ouais. Luigi Di Maio, oui. Qui est arrivé donc ils ont été forcés par toute l'appareil médiatique italien qui a un grand renfort de une, les assimilant à la Lega de Matteo Salvini. Au final, ça termine. Enfin, quel sens y a-t-il de mélanger un mouvement comme le M5S avec toutes les critiques qu'on peut émettre, hein, c'est pas la question. Mais quel sens y a-t-il de mélanger ce mouvement-là et de l'assimiler à un mouvement comme la Lega qui est clairement néo-fasciste? Alors que le M5S, il y avait quand même des propositions sociales qui n'étaient pas seules. Vis-à-vis des immigrés, etc. Enfin, je veux dire, il y avait des réfugiés, il y avait quand même un certain nombre de considérations qui n'avaient rien à voir avec la Lega. Et donc, le fait de mélanger ces deux, c'est invalidé, et moi, il me semble que, et c'est pas pour rien, si des gens comme Dominique Reynier, qui sont proches de LR, Pierre-André Taguieff, qui a toujours été quelqu'un qui était plutôt à droite, mélangent, c'est pour invalider toute tentative d'arriver à. Alors bon, c'est pas nos outils, enfin en tout cas moi c'est pas mes outils en tant que libertaire, le parti politique n'est pas mon outil à proprement parler. Mais d'ici à ce qu'on puisse taxer, puis je me demande si ça n'a pas été le cas d'ailleurs, de certaines revendications de la CGT ou de Sud ou enfin de Solidaires ou d'autres, enfin pour être parfaitement taxé de populiste, hein. Ils ont même fait le match à l'envers là il n'y a pas longtemps en disant que concrètement effectivement ce qu'était le parti communiste dans les années 60-70 en France c'était du populisme. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens au final. Donc, effectivement, le terme doit être, à mon sens, considéré dans son historicité, du 19e siècle et doit être totalement abandonné aujourd'hui. Mais par contre, il faut replaquer effectivement les termes adéquats sur les pouvoirs qu'on a en face de nous. À savoir, c'est l'autoritarisme, c'est du nationalisme, c'est dans certains cas du néo-fascisme, voire du fascisme tout court. Mais voilà, enfin, je veux dire, on ne va pas appeler Benjamin Netanyahu aujourd'hui populiste. Enfin, la dérive du gouvernement israélien aujourd'hui, elle est clairement néo-fasciste. Enfin, on ne va pas parler de populisme dans ce cas-là. De toute façon, ça correspond à une période, le mot redevient, enfin, devient. De où il est redevenu populaire, le mot populiste, à quel moment il est réapparu? Bon, il y a une quinzaine d'années, Alors, au moment où il y a eu un événement qui a fait que la droitisation, l'extrême droitisation de l'opinion, des médias, utilise le terme. Mais avant, il y a 30 ans, on n'utilisait pas ce terme. Alors, il y a une volonté de l'utiliser dans ce sens-là. Donc, il y a un premier, en 1952, il y a un premier livre qui s'appelle « Les intellectuels, le peuple et la révolution », qui est de Franco Venturi, qui parle du populisme russe. Donc, il fait vous devez l'avoir ici, deux tomes, 1000 pages sur la question donc, du populisme russe. Première. Rapidement après, dans les années 1954, en plein macartisme, il y a, j'ai oublié son nom, un sociologue qui réutilise ce terme-là pour justement attaquer McCarthy. Sauf que lui a oublié que le populisme du People's Party des États-Unis de la fin du 19e était justement quelque chose de positif. Enfin, de tenter d'inclure les minorités afro-américaines, les minorités, les femmes, des revendications qui dépassaient largement les revendications purement foncières, enfin, qui essayaient d'être inclusif, pour utiliser un terme actuel. Lui utilise ce terme-là. Après, on a une espèce de saut dans le temps, comme ça, où au début des années 80, on a une autre sociologue qui s'appelle Margaret Canovan, qui va réutiliser ce terme-là de populisme, mais qui ne va pas forcément faire florès. Il me semble que là où l'utilisation et la contre-utilisation, du coup, dans un même mouvement, c'est l'apparition de la raison populiste de Ernesto Laclau. Et Laclau, qui est un Argentin qui est plutôt d'obédience trotskiste initialement, mais qui a toujours été proche des péronistes, devient en 2005 l'éminence grise du pouvoir de l'époque, qui est le pouvoir de Néstor Kirchner et de sa femme Cristina, qui sont donc des péronistes aussi, mais des péronistes de gauche. Hein. Et donc Laclau, dans son livre La Raison Populista, il propose il récupère ce terme populiste et il le dote d'une vision très très positive, puisque lui revendique ce terme-là, mais il le revendique en lui donnant quand même des limites, puisque l'hégémonie selon ces termes, hein, puisqu'il est marxiste, il reprend l'idée de Gramsci, elle doit forcément se doter d'une représentation. Donc il y a forcément une représentation au sens démocratie représentative. Donc lui, en fait, Laclau, je pourrais rentrer dans les détails si vous voulez, mais son livre est assez compliqué, il est passionnant, mais il est très compliqué. Et pour lui, en fait, il y a ce qu'il appelle un signifiant vide qui doit, arriver pour, permettre à ce que toutes les... ce qu'il appelle les chaînes d'équivalence, c'est-à-dire les différentes revendications qui peuvent exister, doivent pouvoir s'incarner dans ce qu'il appelle un signifiant vide, et qui serait donc là, à l'époque où il écrit Kirchner, mais à l'époque de sa jeunesse, qui était Perón. Et il me semble que comme Laclau et Chantal Mouffe, donc sa compagne et sa camarade et sa co-autrice, merci, vont essayer de forger cet outil-là à destination des partis de gauche. Parce que Kirchner, clairement, c'est le péronisme de gauche, quoi. Enfin, et donc, ça va traverser l'Atlantique, ça va se retrouver chez Errejón, par exemple, Inigo Errejón, avec de Podemos. Ça va se retrouver aussi dans la France insoumise. Et il me semble que dans le même mouvement, je pense qu'il y a une partie de l'intelligentsia de droite qui a compris ce qui est en train de se jouer à ce moment-là, et qui va récupérer le terme pour le désigner et taxer à peu près tout et n'importe quoi de populiste pour désarmer, en fait... Mais alors, le populisme à la sauce Ernesto Laclau, c'est encore une fois quelque chose qui est donc qui n'a pas d'autre horizon que l'État et la représentativité, au sens vraiment assemblée, enfin les, pas, démocratie représentative. Donc on peut s'en contenter, hein, mais enfin, c'est pas la tendance politique, ouais. Mais on peut. Est-ce que sous le terme de populisme, justement, on enlève droite gauche parce que le péronisme, ça l'aide d'extrême gauche avec les Montoneros à des gens, des fachos, quoi. Oui, bien sûr. Le conseiller de la deuxième femme de Perón, je sais pas comment ça s'appelle. López Rega. Et voilà, López Rega, c'était une abomination. Oui. Et comment tous ces gens pouvaient être France? Bon, après, je pense qu'ils ils se sont tirés dessus. Perón est exilé chez Franco, hein. Pardon? Oui. Perón est exilé chez Franco. Ça ne pose pas de problème d'ailleurs à l'aile gauche que Perón soit chez Franco. Mais je pense qu'ils se sont en bonne partie fait flouer. Et ce que je raconte dans la postface donc, du livre qu'on a édité chez Latinoir, c'est que en fait, cet effondrement de cette tentative de dépassement, elle se fait le 1er mai 1974, donc un mois non, ça c'est après. Ah oui. C'est même après. Alors donc il y a ça. Mais ça, en fait, ce à quoi tu fais référence, c'est donc quand en juin 73, quand Perón revient d'Espagne en Argentine, qu'effectivement il y a une espèce de grande fête populaire où il y a plusieurs centaines de milliers, voire de millions de personnes qui vont accueillir Perón à son retour à l'aéroport. Sauf que donc il y a une estrade et que sur l'estrade, donc les hommes de main de Perón sont essentiellement des gens qui sont de l'extrême droite péroniste, qui sont tous armés. Et quand les colonnes gauchistes de la JP, c'est-à-dire les jeunesses péronistes, passent et essayent de saluer leur leader. Je ne sais plus exactement qu'est-ce qui est pris comme prétexte, mais il y a des tirs. Il y a, je crois, 13 ou 15 morts. Et puis après, il y a une espèce de chasse à l'homme. Il y a 300 à 400 personnes qui vont se faire arrêter, torturer dans les chambres des hôtels attenants à l'aéroport. Enfin, je veux dire, c'est une espèce de massacre. Mais là encore, les jeunesses péronistes et la gauche péroniste va attribuer ça à l'aéropage de Perón et ne va pas lui attribuer ça directement. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout au long de la présidence de Perón, les syndicats qui allaient, par exemple, contester leur bureaucratie syndicale, allaient devant la Casa Rosada pour demander à Perón de jouer le jeu de Monsieur Loyal et de trancher entre eux et la bureaucratie. Donc ils se sont toujours référés à Perón comme une espèce de Monsieur Loyal, de juge de paix, quoi. Donc après septembre 73, enfin après juin 73, il y a encore cette idée que concrètement il est pas responsable, il a été manipulé, enfin que c'est pas lui qui a ordonné les tirs et que il s'est laissé dépasser par sa droite, quoi. Mais le 1er mai 1974, là il se retrouve sur la place Alemache, donc devant la maison rosée du président, et donc il est à la il est au balcon, et donc il y a sur la place est bondée, et il y a des jeunes donc de la JP qui, je me souviens plus des slogans exactement, mais ils disent c'est quoi tous ces gorilla en Amérique latine, ça désigne en fait tous les militaires et tous les anti pouvoirs populaires, quoi, en gros. Il faut sortir los gorillas du gouvernement populaire de Perón, enfin qu'est-ce que mi general, bon qu'est-ce que vous faites, et vous allez dans l'autre sens, et en fait là le 1er mai 1974 Perón leur dit fuera los imberbes, et donc sortez tous ces jeunes, enfin que tous les jeunes cons imberbes, en gros il leur dit ça comme ça quasiment, vous devez tous sortir, de vous n'êtes pas des péronistes, vous dégagez, quoi. Et la moitié ou les deux tiers de la place se vide. Et là, en fait, il y a effondrement du dépassement. C'est-à-dire que concrètement, le signifiant vide qu'était Perón à ce moment-là, où en gros les gens disaient avant son retour dans le pays, le prix des billets va être moins cher parce que Perón revient. Enfin, tout et n'importe quoi va s'améliorer parce que Perón va revenir. Une espèce de cataplasme universel là. ça s'effondre et c'est lui qui provoque l'effondrement. Et ça, c'est ce que je dis dans le livre aussi, ça, Laclau, par exemple, il ne l'explique pas dans son livre. Il le phagocyte à dessein. C'est-à-dire que l'expérience péroniste se fracasse de Péron lui-même. Et le 1er mai 1974, un mois avant qu'il meure, et deux mois avant qu'il meure, et c'est bien la preuve, enfin, à mon sens en tout cas, de la faillite de la proposition d'Ernesto Laclau, et après que va reprendre Chantal Mouffe. Mais bon, enfin, je veux dire, on a commencé par les gens de la France Insoumise ou de Podemos qui adhèrent à cette théorie, mais... Que reste-t-il du péronisme avec l'élection de Mélenchon? Alors justement, c'est vrai que demain, les copains et les collègues que je peux avoir argentins là sont un peu inquiets, puisque demain ça va être la première fois, puisque on sera le 24 mars, et ce sera la première fois que sous la présidence de Milei sera commémoré le coup d'État de 1976 qui a amené la dictature au pouvoir, et il y a quelques très fortes Il y a de l'inquiétude chez un certain nombre de personnes, puisque il y a peu de temps, une des animatrices de l'association IJOS, qui est une structure, une ONG en fait, qui lutte pour la reconnaissance des vols d'enfants et pour le fait de retrouver les familles des enfants qui ont été volés pendant la dictature. Je sais pas si vous voyez cette histoire. Enfin, ça a été beaucoup plus massif du côté espagnol, hein. On estime à 300 000 enfants volés du côté espagnol, hein. Mais bon, là, il y en a eu plusieurs centaines en Argentine. Et une des animatrices de IJOS, là, dans la semaine, a été... Enfin, il y a eu un commando qui est rentré chez elle, l'a violée, et a laissé sur son mur VLLC, c'est-à-dire « Viva la libertad, carajo », c'est-à-dire le slogan de Milei. Donc, il y a une tension, il me semble, assez forte. Je pense que... Pour en revenir à la question, le péronisme va, encore une fois, en ressortir à peu près... je pense que ça va le revitaliser. Enfin, il est dans l'opposition. Je ne pense pas que Milei ait les capacités de... Enfin, ça fait quasiment 100 ans que ça existe, le mouvement, quand même, le péronisme. Je ne vois pas... je pense qu'il va réussir à se réinventer encore une fois. Mais je ne suis pas... très honnêtement, hein, je le disais en début d'intervention, là. Ces travaux-là, c'est une queue de comète. Donc, j'ai pas prétention à parler plus sur l'Argentine actuelle. Ce serait vous mentir. Donc, je préfère ne pas plus. Il y a eu un ou deux textes qui sont parus par des compagnons. Eux, ils ont l'analyse qu'ils font. Ils le définissent pas comme un fasciste, Milei. Si tu veux. Ils le définissent pas comme, si tu veux, dans une classification de ce genre-là. Ils savent pas, ils font des parallèles avec le péronisme sur. Alors là, vraiment, ils ont bu ou ils sont drogués, parce que tranche par là. Milei, c'est exactement la copie conforme et en pire que Le Pen, tout ce qu'on peut imaginer, l'extrême droite. Il a pris, alors là on revient sur le populisme, il a usurpé le mot de libertaire, libertario-libéralisme, pour récupérer justement, mais c'est complètement terrible quoi, hein. C'est complètement terrible d'entendre la chose comme ça. C'est le fascisme, vraisemblablement la ministre de l'Intérieur, de la Sécurité plus exactement, qui est une ancienne ministre de Macri, et qui est une ancienne... C'est la fille d'Anne. C'est la fille d'Anne. Non, elle l'a été aussi, Bullrich. Elle l'a été, elle aussi. Je l'ai dit en tout pas mal, Montonel. Elle va annoncer certainement demain qu'il va y avoir des pardons, des indultes. Donc, alors, elle n'est pas tout à fait d'accord avec. C'est très compliqué, en fait. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que ce type a été aidé considérablement par Macri, l'ancien président de droite extrême, pour pensant que, qui est un véritable con, entre parenthèses, mais bon, qui est soutenu par la mère à la garde, et qui est soutenu par tout le monde, qui est une espèce d'autre Macron, quoi. Hein, mais, Macron-Macri. Oui, c'est le même genre. il a pensé qu'il allait pouvoir... finalement, le seul en faire ce qu'il en voulait. Mais le type est fou, est complètement fou. Et là, actuellement, il a réduit de tout ce qui est culture est réduit de 50%. C'est-à-dire que des acteurs, je ne sais pas si vous dites, si Ricardo Darí est une espèce de coqueluche, là, dans tes yeux, le secret de tes yeux, etc., Chine aussi. Qui n'a jamais pris proposition, qui était même. Il vient de faire des déclarations en disant c'est absurde, c'est de la folie, c'est du délire, je le cite. C'est du délire. Non, c'est gravissime, je veux dire. C'est un danger, mais c'est un danger absolu, quoi. Hein. C'est un fou furieux. C'est un mec qui clone ses chiens. Qu'il a appelé d'ailleurs. Mais quel moyen politique il a? Il n'a pas de moyen politique, parce qu'il n'a pas, de pouvoir. Pas la majorité au Parlement. Qu'est-ce que derrière, il peut y avoir derrière ces gars-là? Des décrets? Non, la droite, ils sont minoritaires au Parlement. Oui, mais on peut faire des lois fortes, hein, maintenant, les fameuses lois, comme ça s'est fait au Brésil, comme ça s'est fait ailleurs, et c'est très facile, ou Honduras, c'est très facile de... Très facile de faire tomber des gouvernements ou des majorités parlementaires, dans le cas une majorité par la loi à une minorité qui n'a pas le pouvoir. C'est ce qui s'est passé en Europe, ce qui s'est passé au Brésil. Oui, puis faut pas. Il est soi-disant. Alors ça me. Je vais saisir la médiatrice de Radio France cette dernière fois parce que sur France Culture, ils utilisent le terme encore anarcho-capitaliste, ce qui me paraît une aporie, un oxymore complet. Et c'est vrai que le terme libertario, en fait, c'est-à-dire que nous, on a le terme libertarien qui désigne donc cette idéologie-là. C'est vrai qu'en espagnol, il y a libertario. Il n'y a pas de libertariano, n'existe pas en fait. Il faudrait qu'il le crée, mais libertariano n'existe pas. Donc du coup, libertario, effectivement, lui, il s'est doté d'une espèce de... Il a fait un hold-up sémantique aussi, de ce point de vue. D'ailleurs, ça renvoie à certains autres hold-up sémantiques. Par exemple, le terme d'escamizado, c'était un terme qui est utilisé par les anarchistes à la fin du 19e siècle. Et le terme d'escamizado, c'est le terme que va utiliser Evita Perón aussi pour désigner son petit peuple, etc. Bon. Mais... en tout cas, l'état régalien, il va pas démanteler l'état régalien. Enfin, je veux dire, les forces militaires et l'armée, et les policières, il va les conserver. Donc, il n'y a pas eu non plus de dévidalisation de l'armée et de la police en Argentine. Pas plus qu'il y a eu, de défranquisation de la police ou de l'armée espagnole ou de défigévichisation de l'armée et de la gendarmerie française. Donc il y a quand même une tendance nettement de gatichofa, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des meurtres réguliers de la part de la police. Il n'y a jamais eu de... Il y a toujours eu des personnes qui ont disparu, même sous le retour de la démocratie, donc on ne sait pas ce que Juan, comment il s'appelait, j'ai oublié son nom, il y en a deux, trois là, des activistes, d'ailleurs camarades anarchistes, qui était un activiste pro-Tehuelche dans le sud de Patagon, là, qui est des Santiago, son nom m'échappe, mais il y a quand même des vieux démons qui tiraillent les forces armées et policières. Et est-ce que c'est... Je sais pas, moi j'essaie de réfléchir parce qu'il y a, ce gars-là, il est arrivé sur, je pense, sur. Il a été mis en avant par la presse, par. C'était même pas le candidat de la garde du FMI ou du capitalisme des intérêts. Donc, qu'est-ce qui lui reste à lui là actuellement que ça, tout ce qu'il a proposé, c'est pas passé. Qu'est-ce qui lui reste? La seule solution que moi j'imagine, c'est de nous derrière un coup d'État militaire. Mmh. Mais un coup d'État militaire en ce moment en Amérique latine, je ne sais pas, moi c'est quelque chose que je n'arrive pas bien à comprendre. Non, mais il a été mis en place par peut-être la garde, je ne sais pas, mais c'est tout à fait le genre de personnel. C'est en fait, comme profil, c'est comme il s'appelle le mec de la 8. C'est 8. Ouais. C'est le même genre. Il a la même carrière. Ouais. Exactement pareil. Donc évidemment, il a de l'aura, de la police, de la notoriété, mais c'est exactement ça. Et il faut dire aussi que le pouvoir en place, péroniste, pur et dur, traditionnel, Alvarez, le président, était pire au volant que Hollande, au point de vue résultat. usurpation, trahison, etc. Donc, parce que ce qu'on oublie de dire, comme toujours, c'est le taux d'élection, le taux d'abstention qui est considérable. Et qui explique comment ces types-là sont élus. C'est partout, hein, c'est la même chose. La hypercommunication, le show, les gens qui sont devant leur télé et qui vont plus haut de pas. Ça peut arriver partout. Hein. Le show, la fausse parole, oui. La fausse parole vraie, oui. parce qu'elle a l'air bien sûr, moderne. Oui. Enfin, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais là aussi, il y a quand même une très grande responsabilité du président qui a été élu avec toujours pareil, quoi, qui a été absolument incapable. Quoi. Ça aussi, c'est une des raisons de son élection. Hein. Et qui a empêché que d'autres candidats, notamment le gouverneur de la province de Buenos Aires, qui est plus jeune, qui aurait pu éventuellement. De Genève et de Montana-sur-Cière, là où Montana-sur-Cière c'était Lézin, il était à Lézin, Montana-sur-Cière. Et il est dans sa chambre, et pour apprendre le français, il recopie sur des fiches un dictionnaire français-roumain, il les épingle sur les murs de sa chambre, et il lit et pour lire Télémaque de Fénelon. C'est quand même assez extraordinaire quand on voit d'où il vient, ce que je vous ai raconté précédemment, c'est cette volonté de. Alors, il faut peut-être revenir sur. Il a toujours. À l'école, il lisait les histoires de Haïdou. Dont on parlera tout à l'heure par rapport à l'URSS. J'ai trouvé que c'était mieux de lier à l'URSS et à Haïdou. Mais. Donc, les Haïdou, c'est des bandits d'honneur, mais plus que les Robins des Bois, qui vivent effectivement dans les bois, le Caudrou, le Caudrou, et qui luttent contre l'oppresseur turc. Et qui sont aussi des redresseurs de tort et qui distribuent aux pauvres. Alors, il faut pondérer quand même cette image. Ça, c'est un peu l'image idéalisée des Haïdou, parce qu'il y en avait qui étaient des véritables. Qui travaillaient pour leur propre compte. Mais majoritairement, c'était quand même des bandes armées qui luttaient contre l'oppresseur turc et ses relais roumains. Donc, tout ça, c'était des récits populaires. Qu'il a lu quand il était à l'école. Et donc ça a été assez important dans son apprentissage un peu du français. Et un instituteur l'avait remarqué. Et donc il disait aussi, il a commencé à lire Balzac, Tolstoï en roumain, ou des biographies. Donc il avait un attrait, tout gosse, il a eu vite un attrait pour l'évasion, qui était d'abord une première évasion par la lecture et ensuite ces vagabondages dont je vous ai parlé. Donc ça, c'était un... Donc là, on est en Suisse, et c'est là où je reviens un peu sur ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il écrit à Romain Rolland, parce que Romain Rolland, il se trouve qu'il était dans un hôtel à Interlaken, et pendant un bref séjour. Mais il a vu ça dans le journal. Il dit, Jean-Christophe, c'est moi. Donc je vais écrire à ce monsieur qui a écrit Jean-Christophe. Et cette lettre lui est renvoyée. On est en 1919, sa mère meurt. Alors là, il y a aussi des beaux passages sur la mère, qui sont vraiment très, très, très, très émouvants. Et malheureusement, il est en Suisse, elle meurt pendant qu'il n'est pas là. Et ça, c'est. Il y a des très très beaux passages sur ce rapport à sa mère. Et donc là, il est au 36e dessous, pour parler vulgairement. Et c'est cette tentative de suicide dont je vous parlais tout à l'heure. Alors là, on revient en 1924, le succès. Alors le succès, après ce succès de Karakirina, il y a eu quand même une intense activité littéraire. Il y a eu Oncle Engel, donc qui est plus ou moins inspiré d'un de ses oncles, qui est un peu, bon, je ne vais pas résumer à chaque fois les livres, mais c'est un peu l'histoire de Job, de la Bible. À la fin de Oncle Engel, c'est épouvantable, il est grabataire, il y a un gosse qui vient lui donner un peu d'alcool pour... pour survivre, enfin pour survivre, pour mourir. Et c'est Adrien, que le gosse qui va voir son oncle. C'est... Mais ça ne tombe jamais dans ces récits, ne tombe jamais dans le pathos. C'est jamais c'est poignant, mais ça n'est pas du pathétique. Ça, c'est le conteur oriental. Hein, c'est vraiment le conteur oriental. Alors, ce qui est, oui, alors j'ai passé quand même une chose très importante. Il y avait certes la mort de sa mère, mais c'est en Suisse, en 1919, qu'il adhère au bolchevisme. Au bolchevisme, parce qu'il rencontre. Enfin, il est dans une. Face à l'État centralisateur, etc. Enfin, mais, donc, des personnages comme ça, ça avant Evita Perón, ça existait. Oui. Et Mercier Vega note d'ailleurs que jusque dans les années 60, il y a encore des postiers argentins reçoivent des lettres dans lesquelles adressées à Eva Perón au ciel. et qu'ils envoient des lettres dans lesquelles des femmes, enfin des mères ou des personnes diverses et variées s'adressent à Evita Perón et lui demande l'intercession quoi, avec Dieu quoi. Oui, parce que en fait comme il a rompu avec l'Église, mm-hmm. Evita lui permet de rattraper mm-hmm. son manque de religiosité. C'est et il a trouvé une espèce de sainte, de martyr qui va, et ce qui va le faire encore être beaucoup plus haï par la classe dominante, etc. Qui ne supporte pas cette femme qui vient de la rue. Oui. Et ça a été entretenu aussi par rapport à ce que tu dis sur Evita Perón, c'est quand on a empêché les Argentins d'aller se recueillir sur sa tombe, puisqu'on a caché le corps pendant des années. Et non seulement on a caché le corps, mais aujourd'hui. D'empêcher justement le culte. Aujourd'hui encore, la tombe, elle est enterrée à, je crois, 25 mètres de profondeur. Il n'y avait pas une histoire de vol du cadavre. Oui, mais ça, c'est une autre histoire. Mais quand ils l'ont enterré, alors. Apparemment, il y a une raison, et tout le monde dit que c'est pour pas qu'elle revienne. Parce qu'il y a un humour aussi. Ouais, plusieurs tonnes de terre dessus, ça doit empêcher. On dit que la tombe de fer à Marseille, une grosse pierre. Pour pas qu'il sorte, là, pour le coup. Bon. D'autres questions? Bon, vas-y. Il y a un goûté après tout ça. Oui, il y a plus qu'un goûté. Non, mais moi, ce qui est intéressant, en fait, d'un certain point de vue libertaire et anarcho-syndicaliste, c'est quel est le rôle de la CGT, quelle est sa position, en fait. À quel moment? À l'époque de l'arrivée de Perón? Oui, tout à l'époque. Oui. Perón, quand il était au pouvoir, ouais. Jusqu'en 1974, donc. Mm. Enfin. Plutôt, quelle est l'influence de ce mouvement et en quoi la CRT existait dans une continuité. C'est-à-dire, est-ce que Perón aussi, le péronisme a permis une position qui fasse des mesures sociales, c'est une chose, mais quelle place il accordait au syndicat? C'est y compris le syndicalisme. Je me suis posé la question moi, dans ce livre-là de Sueur de Sang, là, est-ce qu'on doit parler de péronisation des syndicats ou de cégétisation des syndicats, effectivement, parce que les bureaucraties syndicales sont quand même les grandes gagnantes, et quand on dit bureaucratie, c'est y compris népotique, hein, parce que c'est des dynasties entières, hein. Je veux dire, par exemple, si on prend les Mojanes là aujourd'hui, le fils de Hugo Mojanes, qui était l'un des leaders des routiers, était actuellement au pouvoir, et précédemment c'était, c'est des dynasties entières de syndicalistes qui restent à la tête de, c'est comme si on imaginait Martinez et le fils de Martinez et à la CGT, et bon, alors là ça a changé, c'est imaginer, mais c'est imaginer que voilà, c'est ce genre d'idée, et effectivement les syndicats se dotent d'une espèce de capacité qui est presque mafieuse par certains côtés, puisqu'il y a à la fois le système de closed shop, c'est-à-dire que dans bien des endroits, c'est par le syndicat qu'on va embaucher, et en même temps, il y a cette idée de prélèvement directement sur le salaire au profit du syndicat, des cotisations qui vont servir à monter des œuvres sociales. Alors par exemple, sur en bordure à Mar del Plata, par exemple, sur en bordure de l'océan Atlantique, on a des complexes gigantesques qui ont été montés par les syndicats à destination des membres du syndicat en question. Enfin, je veux dire, mais de la même manière que dans les comités d'entreprise, CGT, enfin de EDF, par exemple, on avait des comités d'entreprise puissants, etc. Mais c'est un peu la même idée, hein. Mais avec quand même ce supplément d'âme, entre guillemets, où concrètement, c'est les syndicats qui vont prélever directement à la source du salaire la cotisation qui va permettre de monter ces œuvres sociales, puisque c'est le terme approprié en Argentine, et que c'est eux, dans bien des cas, qui décident qui est embauché ou pas. Donc, en fait, ils ont une puissance qui est ancrée, qui est réelle, et puis c'est des millions de syndicalistes. Alors, sous le temps de Perón, en plus, le syndicalisme était... Enfin, il fallait être syndiqué. Enfin, je veux dire, le carnet syndical était obligatoire pour les travailleurs. Donc, il y a... Alors, c'est pas tout à fait un parti unique, c'est pas tout à fait un syndicalisme unique, parce qu'il y a des syndicats... Il y a cette idée, quand même, qui n'existe pas du tout en France. En tout cas... Oui, on retrouve un peu ça là-dedans, ouais. On retrouve un peu ça là-dedans, ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, à la différence de que, en fait, il y a ce qu'on appelle l'autonomie, en fait, c'est pas l'autonomie telle qu'on la conçoit ici en France, hein, mais l'autonomie pour les syndicats argentins, c'est cette possibilité de se défédérer d'une centrale, d'une confédération. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de syndicats qui vont quand même continuer leur activité, mais en n'étant pas rattachés à la CGT, par exemple. Et ça, tout au long de l'époque péroniste, ça se maintient aussi. Alors, ils vont essayer de les arrimer à force, pression, menace, tout ce que tu veux, en essayant de les rattacher à la CGT. Mais dans bien des cas, alors je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête tout de suite, mais il y a plein de structures comme ça syndicales qui se maintiennent dans ce qu'on appelle l'autonomie. Et on voit dans l'histoire des syndicats argentins qu'à certains moments, ces syndicats vont adhérer à des confédérations parce que l'orientation politique de la confédération leur convient. Donc ils vont se rapprocher de ces confédérations, ils vont rentrer dedans. Et si ça leur déplaît, ils sortent. Et ils sortent avec tout le monde, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme si aujourd'hui, je ne sais pas, moi je suis à Sud-Éduc, Sud-Éduc sortait et devenait autonome de Solidaire. Et parce qu'on n'est plus d'accord avec la politique de Solidaire au niveau national. Bon, voilà. Mais ça n'existe pas en France. Enfin, à ma connaissance, ça n'existe quasiment pas. Enfin, il y a des syndicats qui sont indépendants, mais cette espèce d'aller-retour permanent est quand même très très présent. Et puis, quand je dis que c'est important, ça représente à un certain moment 40% sur le total des syndiqués, quoi. C'est pas l'autonomie, c'est pas une petite alternative. Ça peut être. Et à certains moments, ils ont tenté de se fédérer pour constituer une vraie force d'opposition syndicale au syndicalisme majoritaire. Enfin, ça dépend des. Alors tout ça, bien sûr, dans la CGT, par exemple, à un moment, il y a les 62 organisations et les 32 organisations. Les 32, elles sont plutôt libérées, oui, c'est un islamisme. Elles sont plutôt dirigées par des communistes et les autres sont plutôt des fervents péronistes. Donc les 32 vont se maintenir dans la CGT, mais vont constituer une ligne oppositionnelle assez forte à la direction péroniste, par exemple. Bon, donc il y a toujours des jeux comme ça. Le syndicalisme, quand même, en Argentine, il a son autonomie propre, même si Perón l'a doté l'administration péroniste l'a doté quand même de moyens pour se faire. Et je ne sais pas ce qui va se passer avec Milei, justement, parce que ces histoires de... S'il décide de supprimer toutes ces histoires de cotisations à la source, etc., là, c'est un vrai manque à gagner. Et ce sera sans doute une des vraies raisons pour lesquelles les syndicats vont se mobiliser et vont réussir à... Parce que ça représente quand même une force d'impact et d'action quand même importante encore. Il y a beaucoup d'aide d'État aussi sur les participations selon les salaires. Là, ce n'est pas le syndicat. Il y a beaucoup d'aide publique dans la consommation électricité, eau, etc., qui va supprimer. Parce que, effectivement, l'idée, c'est de pas d'État, quoi, donc pas d'argent. Mais c'est un anarchiste. Oui, c'est ça. Il l'a dit. Anarcho-capitaliste. Il l'a dit. Oui, c'est pas bien anarchiste. Oui, non, je plaisante. Il y a des choses sur lesquelles on peut pas. Bon. Excuse-moi, je remarque. Est-ce que sous Perón, ce qui restait de syndicats anarchistes a été réprimé? Parce que moi, j'avais lu que. Vraiment, ils détestaient les péronistes, les anarchistes. Oui. Oui, mais après, le problème, c'est qu'effectivement, y a un certain nombre de structures, et ça, il explique très bien, merci les gars, dans son livre, hein, la manière dont ça peut se faire à certains moments, certaines centrales, par exemple, qui étaient justement plutôt autonomes et plutôt dirigées par une bonne partie de personnes qui n'étaient pas forcément dans la FOR ou dans l'USA ou l'US, ou ça, mais qui étaient plutôt de tendance libertaire, vont se faire petit à petit damer le pion par des groupes péronistes qui vont entrer dans les syndicats, qui vont adhérer massivement pour retourner la tendance majoritaire qui devient minoritaire. Enfin, il y a ce genre de choses. Après, la FORA, elle perd quand même beaucoup de... Après 1930, elle existe encore, elle a encore plusieurs milliers d'adhérents, hein, elle ne disparaît pas du tout, mais c'est plus... c'est plus ce que ça a pu constituer. Et au début des années 30, il y a quand même il y a des scissions et il y a une réorientation stratégique et tactique de la part des camarades de l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, la FORA, par exemple, a toujours... C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est des anarchistes syndicalistes. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, la notion de branche d'industrie, de syndicat d'industrie, c'est quelque chose qui leur a totalement passé à côté de laquelle ils sont totalement passés à côté. Enfin, je veux dire, ils n'ont absolument pas considéré que... parce que pour eux, alors même il y avait cette idée chez certains, López Arango par exemple, de traiter les gens d'anarcho-bolchévique, là pour le coup, pas anarcho-capitaliste, mais anarcho-bolchévique. Parce que concrètement, ils voulaient tout le pouvoir au syndicat, avec des branches d'industrie, capables de monter des syndicats forts, etc. Enfin, avec ce que j'ai parlé tout à l'heure, ce qui est une revendication syndicaliste révolutionnaire, quand même, la possibilité de d'embaucher les gens, et que ce soit par le syndicat qu'on embauche, et que ce soit par le syndicat qu'on puisse prélever directement à la source, etc., pour monter. C'est pas totalement, enfin, c'est des notions qui vont bien avec le syndicalisme révolutionnaire, hein, ce que faisait la CGT du Libre pendant des années, il me semble bien, en tout cas. Donc voilà, il y a cette réorientation tactique et stratégique de la part d'un certain nombre de militants qui considèrent qu'il faut rentrer dans la CGT et impulser la CGT depuis l'intérieur. Va vider aussi de contenu les autres organisations qui avaient plutôt des tendances libertaires. Et la FORA, comme elle reste sur quelque chose de relativement sur la notion d'artisanat plutôt, ouais. d'ouvrier qualifié, conscient, intellectuel, capable de s'auto-former. Donc ils sont sur cette idée-là, sauf que toutes les populations prolétaires qui arrivent dans les villes dans les années 30 sont des gens qui cherchent surtout à manger et qui vont effectivement répondre présent quand la première personne qui passe va leur filer à bouffer, quoi. Mmh. Et en l'occurrence, la première personne, ça va être Perron. Donc il y a ces jeux-là, bon, alors je ne prétends pas rentrer dans le détail même plus trop là-dedans, mais il y a quand même ces grandes tendances, hein, qui se jouent à ce moment-là. Bien, bien. D'autres questions? On continue à discuter autour d'un verre, puisqu'il y a des verres. Merci Guillaume pour ta venue, merci Jacques pour les éclaircissements.